pas en paix. Je frappe, je frappe. Le poids de ma bière, mon niveau de sueur et tous ces vers qui attendent que j'expire avant l'heure. Burk. Tout descend dans le délire. Comment faire pour en sortir? Je sens sous moi ce cadavre qui rigole de me voir m'enfuir. J'imagine toute la lumière qui se trouble déjà dans ma tête. Est-ce que je deviens fou? Sans raison, je me bouffe, ouf, ouf. Oh, je frappe, je frappe. L'odeur de mon sang, mon niveau de terreur. Tous ces vers qui m'attendent et qui dansent pour moi une dernière fois sur le poids de ma bière.